continue. Let me go. 20 feet. Show. Super. Ça va. Ok. Alors, on est là ou pas encore? Ceux qui pas, nous collent pas, on se connaît pas, nous cherche pas, nous ceux qui pas, nous collent pas, on se connaît pas, nous cherche pas, c'est prolifique, bientôt dans les bacs. Oh, 2004, on est là, ok, bon les mecs ne courent pas, j'ai l'air sec vu mon tour de bras, mais quand je rappe tout le monde lève ses bras, et ouais je suis la tempête qu'on attend les pas, c'est jour de fête pour les hommes et bras, les fakes déformés pas, quoi vous dansez pas, non nos enfants vous les drogueraient pas, c'est dans le din qu'on creuse les cas, qu'on fasse des top départ, maintenant pas de guépardesse, dans un drôle d'état, on s'en fout la cote, on te calcule pas, quoi soirée David Guetta, non vite fait tard, la pluie d'état, non Hachette tu me donnes envie de Gekka, on se connaît pas, me collez pas, sortez la somme et gros pied pas, mon rap c'est de la grosse prépa, oh je te dis que dans ce pitch je te louperai pas, c'est prolifique, et ouais, c'est pire qu'un coup d'éclat ou un coup d'état, ha ha ha, ne se quitte pas, me collez pas, alors ne cherchez pas. Donc la bloc mais pas comme Scarface, harcèle mes techs, je viens tout seul et pas à 12, Marlon Jean et Mike Sous, en fond de 4, faut que tu tranches, faut que tu tranches, car t'es trop naïf. You are risking your motherfucking life, y'a trop de foutaise, et trop de gens qui parlent pour rien dire, qui pourront rien dire, mais y'a encore pire que ça. Je parle des viols, des enlèvements, une vente de rançon, qu'est-ce que je te dis, si je la pute, que tu ferais toi. Si on t'enlevait ta fille, si on violerait ta femme, si on frapperait ton fils, ça se répercute sur n'importe qui. Danger tout près, comme ce plongeur sans oxygène. Tôt ou tard, c'est tout frais, mais je prêche pour le meilleur et pour le pire, sans rature, trop de crapules. C'est peut-être pour ça que le réseau sature. Trop file en liberté, trop d'innocents en tôle. Quand trop de GI charge le peuple, tu sais à l'épaule. Ça fait, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la. La la la la la, la la la la la. Ne cherchez pas, ne collez pas, ne se quittez pas, alors tu ne connais pas. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la. C'est prolifique, hein, c'est prolifique mon pote. FUL, hein, le mic R-A-Z-I-K-F Chahidin 06-220. Prolifique, on est là. La la la la la la la la.